إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La semaine passée, nous avons terminé le hadith 2 des Arba'in al-Nawawiyya, walillahi alhamd. Et nous avons donc terminé avec ce qu'était l'heure. Et comme on avait vu, donc l'heure donc correspond au moment où les gens donc sortiront de leur tombe pour venir devant Allah, le Seigneur des mondes. C'est pour ça que notamment elle a été appelée aussi Al-Ba'ath, le fait que ils sortent, donc ils sont renvoyés vers Allah Azza wa Jal, donc ils sortent de leur tombe, renvoyés vers Allah Azza wa Jal. Et nous avons donc terminé avec les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidahullah sur les différents points concernant donc ce qui était mentionné dans le hadith de Jibril concernant les signes de la fin des temps. Deux signes qui ont été mentionnés dans ce hadith là de la fin des temps, et nous avons donc terminé ce hadith des Arba'in al-Nawawiyya. Nous commençons aujourd'hui, Inch'Allah, le hadith numéro 3. Le hadith numéro 3 des Arba'in al-Nawawiyya concernant donc les piliers de l'islam. An Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Donc dans le hadith 3 correspondant, donc ce hadith 3, le yani c'est ça correspond, vous avez ça normalement dans le livre sur les Arba'in Nawawiyya, ça s'intitule donc les piliers de l'islam, ce hadith 3, dans lequel Abu Abdurrahman Abdallah ibn Omar ibn Khattab radiallahu anhuma a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5 piliers: le témoignage qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration en toute vérité excepté Allah et que Muhammad est son envoyé, l'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de la zakat, yani l'impôt rituel, le pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan. Et ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, donc dans leur sahih. Donc concernant ce hadith-là, il dit, le Cheikh, nous commençons avec les explications de Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. هذا الحديث فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام. Donc ce hadith donc mentionne donc les fondements donc de l'islam et c'est donc sur la grandeur de quoi il est bâti. وهي الخمس المعروفة. Et donc ce sont les cinq qui sont connus. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. L'attestation donc que le témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. وهذه واحدة باعتبار أن كلا شقيها شهادة والثاني إقام الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع الحج والخامس صوم رمضان. Donc il dit, le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah, il dit donc Les deux attestations de foi ne font donc qu'un seul pilier. D'accord? Et le deuxième pilier, c'est l'établissement de la prière, iqam al-salat. Le troisième, c'est donner donc l'impôt, donc donner la zakat, l'acquittement de la zakat, l'impôt rituel. Le quatrième, c'est l'impôt rituel. Le troisième, c'est l'impôt rituel. Le quatrième, c'est le hajj, le pèlerinage donc à la maison d'Allah. Et le cinquième, le jeûne du mois de Ramadan. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام خمسة. Et ce hadith-là donc fait partie donc des hadiths qui sont utilisés comme preuve pour prouver que les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Que les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. وهذا الاستدلال صحيح. Et le fait que ce hadith là donc est utilisé comme preuve pour prouver que les piliers de l'islam sont au nombre de 5, eh bien c'est une preuve qui est correcte. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس. Car la parole du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, le fait qu'il ait dit que l'islam est bâti sur cinq piliers, eh bien cela prouve que le fait que ce soit bâti, d'accord, eh bien repose sur ces cinq là, sur ces cinq piliers. Ça veut dire que c'est bâti sur ces cinq piliers. وغير هذه الخمس مكملات للبناء. Et en dehors de ces cinq piliers, eh bien, c'est ce qui va compléter la construction. C'est ce qui va compléter la construction. ومعلوم أن البناء يحسن السكن فيه ويكون جيدا وفيه العبد سعيدا إذا كان تاما. Donc, il dit, le Cheikh Salah et le Cheikh Hafizullah, il dit, eh bien, donc c'est utiliser ce hadith-là comme preuve pour dire que les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et donc, c'est une preuve qui est correcte. D'accord? Et il dit, et en dehors de ces cinq piliers, eh bien c'est ce qui complète donc la construction. Et il dit, ce qui est connu, c'est que, eh bien, une habitation, elle est meilleure et elle devient bonne. Et l'individu y est heureux lorsque, où est-ce qu'il habite? Eh bien, il a terminé là, il a terminé sa maison, il l'a bien construit. D'accord? Il l'a bien complété. C'est l'exemple que donne le Cheikh Salah et le Cheikh Abdullah. D'accord, c'est différent que quelqu'un qui vit, donc il a commencé à construire et puis il n'a pas terminé les constructions. D'accord, il dit, tandis que celui qui est heureux, qui a complété donc la construction, eh bien, il y vit heureux. D'accord, il y vit heureux lorsque la construction est complète. وَكُلَّمَا كَانَ أَتَمْ كَانَ الْعَبْدْ فِيهِ أَسْعَدْ. Et à chaque fois donc que c'est beaucoup plus complet, eh bien, l'individu, le serviteur, donc, y est plus heureux. Wal Islam, idha ata al-abd bimabanih al-khams hadihi, faqad haqqaq al-Islam, wa kana lahu ahd inda Allah jalla wa ala an yadkhulahu al-jannah. Donc, il dit, le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah, il dit, l'Islam, si l'individu, si le serviteur vient avec donc ses cinq fondations, ses cinq piliers, d'accord, il a alors réalisé donc l'islam, concrétisé l'islam. Et il a donc la promesse d'Allah, le Très-Haut, que Allah le Très-Haut le fera rentrer au paradis. قال في أوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. Donc il dit, le Cheikh Salah et le Cheikh Hafidhahullah, il dit, le prophète Mohammed donc sallallahu alayhi wa sallam a dit au début de ce hadith là, il a dit l'islam est bâti sur cinq, yani sur cinq piliers. ولفظ بني est le fait que qu'il est prononcé بني est bâti. يقتضي أن هناك من بناه على هذه الخمس فلم يذكر الباني على هذه الخمس والمقصود بالباني الشرع أو المشرع. Donc il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit en utilisant le verbe est bâti. Donc l'islam est bâti. Cela implique que cela a été bâti, d'accord? Mais il n'a pas mentionné qu'il l'a bâti sur ces cinq, d'accord? Et ce qui est ce qui est voulu donc par celui qui a bâti sur ces cinq, eh bien c'est la législation ou bien c'est le législateur. D'accord ? فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو الله جل وعلا. Celui qui a bâti donc ces cinq, celui qui a bâti donc l'islam sur ces cinq piliers, eh bien c'est Allah le Très-Haut. وهو الشارع, c'est lui le législateur جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا وليس هو شارعا على جهة الاستقلال وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ أو مشرع على جهة التبليغ. Donc il dit ici le Cheikh حفظه الله, il dit donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'islam est bâti, donc ce qui est implicite, d'accord, il n'est pas mentionné ici que ce qui est implicite, c'est que quelqu'un l'a bâti, d'accord, et c'est soit la législation ou soit le législateur. Et donc celui qui a bâti donc l'islam sur ses cinq piliers, c'est Allah le Très-Haut, c'est lui le législateur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lui ne fait que transmettre de la part de son Seigneur, mais ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a légiféré d'une façon indépendante d'Allah le Très-Haut. D'accord ? Mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis ou bien qui a légiféré, mais dans le sens qu'il a transmis de la part d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il ait transmis de la part d'Allah Azza wa Jal, d'accord, il n'a pas légiféré lui d'une façon indépendante d'Allah Azza wa Jal, parce que lui il ne fait que transmettre d'Allah le Très-Haut. Donc si on dit que c'est la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une législation indépendante d'Allah le Très-Haut, mais c'est, lorsqu'on dit c'est la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est la législation qu'il a transmise d'Allah le Très-Haut. على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا أن الإسلام بني على هذه الخمس والمقصود بالإسلام هنا الدين لأن الدين هو الإسلام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. Donc il dit ensuite le Cheikh, Salah al-Cheikh Hafizahullah, ce qui est correct de la parole des gens de science, donc concernant donc cette question, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné que l'islam est bâti donc sur ces cinq piliers. Et ce qui est voulu par l'islam ici, c'est la religion. Ce qui est voulu par l'islam ici, c'est la religion. D'accord ? Donc on sera, pourquoi en fait le Cheikh ici mentionne cela ? Parce qu'on se rappelle dans les explications du hadith 2 que l'islam, ce qui était voulu par l'islam dans le hadith 2, parce qu'il était mentionné avec le terme iman et le terme ihsan. Dans le hadith 2, il signifiait donc les actes apparents. Alors que ici, l'islam, étant donné qu'il est mentionné seul, d'accord, on se rappelle ce qu'on avait mentionné du hadith 2, ce qui est voulu par l'islam ici, dans ce hadith, c'est la religion. لأن الدين هو الإسلام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام car la religion c'est l'islam comme Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset 19 de Sourate Al-Imran la religion auprès d'Allah c'est l'islam la religion selon Allah c'est l'islam والإسلام في قوله بني الإسلام على خمس المقصود منه الإسلام الخاص الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Donc ici il y a une importante faïda ici du Cheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah qu'il mentionne que l'islam qui est mentionné donc dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur cinq, yani sur les cinq piliers. Ce qui est voulu ici, c'est l'islam qui est spécifique, celui dont a été envoyé avec le, yani celui dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec, Mohammed bin Abdullah alayhi salat wa sallam. والإسلام في القرآن وفي السنة له إطلاقان. Et l'islam dans le Coran et la Sunna a deux significations ici concernant l'islam qui est la religion dans sa totalité, d'accord? الإطلاق الأول يعني comment l'islam est présenté, comment l'islam est mentionné pour être plus précis inshallah. Dans le Coran et la Sunna comment l'islam est mentionné, il est mentionné de deux façons. L'itlaq al-awwal, la première façon, l'islam al-am, الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله جل وعلا, إما اختيارا وإما اضطرارا, قال جل وعلا, وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Donc il dit le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah, il dit donc la première yani façon dont est mentionné l'islam dans le Coran et la Sunna, eh bien c'est l'islam qui est général, celui dont rien des créatures, donc aucune des créatures ne peut sortir de cet islam qui est général, d'accord, que ce soit par choix ou que ce soit de bon gré ou que ce soit mal gré, d'accord. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset 83 de Sourate Ali Imran, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. D'accord ? Donc ça, c'est l'islam qui est général. وقال جل وعلا اي الله لتروادي فغير دين الله يبغون وله اسلم. Donc là toujours donc dans ce verset 83 de sourate Ali Imran, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumet à lui, que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans Sourate Al-Imran, la traduction du sens du verset 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc là on est toujours dans l'islam général. D'accord. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Ibrahim, dans la traduction du sens du verset 67 de sourate Ali Imran, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Et il n'était point du nombre des associateurs. وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Dans sourate Al-Hajj, Dans la traduction du sens du verset 78, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Fal maqsoud. Donc là, le cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, après qu'il ait mentionné donc tous ces versets-là, donc il va le dire, il va dire en fait ce qui est voulu ici. أن لفظ الإسلام هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا من العباد المكلفين دينا. Donc ici, comment l'islam est mentionné ici, c'est celui dont Allah Azza wa Jal accepte de ses serviteurs qui sont donc responsables, donc ceux qui sont tenus donc responsables. C'est-à-dire ceux qui ont leur raison, ceux qui ont, d'accord ? فآدم عليه السلام مسلم وكل الأنبياء وأتباع الأنبياء والرسل جميعا على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. Donc il dit ici le cheikh Hafidhullah, il dit Adam عليه السلام était un musulman et tous les prophètes et ceux qui ont suivi les prophètes et les envoyés tous étaient donc sur la religion de l'islam. L'islam général. L'islam général. وهذا الإسلام العام هو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فهذا هو ملة إبراهيم وهو الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين. Donc il dit ici le cheikh Hafidhahullah, donc ce qui est voulu, après qu'il a mentionné toutes ces preuves là, il dit, eh bien, l'islam ici, d'accord, la première façon comment est mentionné l'islam dans ces versets là, dans le Coran, dans ces versets qui ont été mentionnés, il dit, eh bien, c'est donc l'islam qu'Allah Azza wa Jal accepte de ses serviteurs, donc responsables, tenus responsables, Adam alayhi salam, et tous les prophètes, donc étaient, et ceux qui ont suivi les prophètes et les envoyés, tous étaient musulmans, ils étaient tous sur la religion de l'islam générale. Et cet islam général, c'est celui qui est expliqué comme étant la soumission à Allah par le pur monothéisme. La sujétion et l'obéissance, donc la sujétion et l'obéissance, donc à Allah le Très-Haut, et le désaveu de l'associationnisme et de ses adeptes. Donc cela, donc c'est l'islam, c'est comment est défini l'islam général, d'accord ? Et c'est la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et c'est celui, c'est cet islam-là, que donc avaient tous les prophètes et envoyés d'Allah Azzawajal ainsi que ceux qui les ont suivis. Le deuxième point, c'est comment est mentionné l'islam. Eh bien, amma al-islam al-khas fayurad bihi al-islam alladhi bu'itha bihi Muhammad bin Abdullah alayhi salat wa salam. Wa huwa alladhi idha أطلق الإسلام لم يعني به إلا هذا على وجه الخصوص لأن الخاص مقدم على العام في الدلالة. Donc il dit le cheikh Hafidhahullah, il dit tandis que l'islam qui est spécifique, donc on a vu un islam général, d'accord, on a vu la définition de cet islam général, l'islam général, donc c'est la religion de tous les prophètes et envoyés d'Allah, ainsi que ceux qui les ont suivis. Et l'islam qui est spécifique, ce qui est voulu, c'est l'islam dont Muhammad, le prophète Muhammad, ben Abdullah, alayhi salatu wassalam, a été envoyé avec. Ça, c'est l'islam qui est spécifique. D'accord ? Et lorsqu'il est mentionné, donc lorsque l'on mentionne l'islam, d'accord ? Eh bien, il ne veut yani, spécifier donc que cet islam-là dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec. Pourquoi? Parce que ce qui est précis devant ce qui est général en termes de preuve. D'accord? On prend le précis, d'accord? Le précis devant ce qui est général en termes de preuve. Et ce nom-là, Islam, donc, a été spécifié à cette communauté-là, d'accord, des musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été spécifié avec, donc, ce nom-là, l'islam. Faja'ala din al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam al-islam. Donc, cela a fait, donc, Allah azza wa jalla a fait, donc, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. L'islam, donc, on a vu, il y a l'islam général, donc, tous les prophètes et envoyés d'Allah, le Très-Haut, ainsi que ceux qui l'ont suivi, ils étaient tous donc sur cet islam-là qui est la soumission, même le dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Tous les prophètes et envoyés d'Allah, donc avaient, donc ont cet islam, donc qui est général, d'accord? C'est la soumission à Allah par le pur monothéisme, la sujétion et l'obéissance à Allah, et le désaveu de l'associationnisme et de ses adeptes, d'accord? Mais lorsque l'on mentionne donc l'islam, cela est spécifique, donc il y a l'islam donc spécifique, l'islam spécifique, celui dont a été envoyé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? فَإِذَنَ الْمَقْصُودُ هُنَا بِقَوْلِهِ بُنِيَ الْإِسْلَامِ. Donc ce qui est voulu ici, dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a été bâti. L'islam a été bâti. يعني الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Lorsqu'il dit le prophète صلى الله عليه وسلم بني الإسلام, l'islam a été bâti, c'est-à-dire là, ça réfère à quoi? Ça réfère à non pas l'islam général, d'accord, mais l'islam qui est spécifique, dans lequel a été envoyé avec le prophète محمد صلى الله عليه وسلم, d'accord. Le cheikh صلى الله عليه وسلم, le cheikh Hafidhullah, il va plus clarifier par la suite, inshallah. أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون فهو من حيث التوحيد والعقيدة كالإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد في وصوله وأكثر فروع الاعتقاد والتوحيد. Donc il dit le Cheikh صالح علي الشيخ حفظه الله. Tandis que l'islam, donc on a vu, l'islam est bâti ici, lorsqu'on lit le hadith, l'islam est bâti, l'islam c'est celui qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont a été envoyé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que l'islam, sur lequel étaient les prophètes et envoyés d'Allah, concernant le tawhid, la aqida, eh bien, c'est le même islam, d'accord, c'est l'islam, c'est le même islam concernant le tawhid, le pur monothéisme et la croyance, eh bien, c'est le même islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses fondements et dans la majorité de ses branches de la croyance et du pur monothéisme. Mais concernant la législation, eh bien, l'islam spécifique dont a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam général, donc il diffère concernant la législation. Parce que la législation de l'islam, c'est-à-dire l'islam spécifique dont a été envoyé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la législation est différente de celle des juifs, et différente de celle de Isa alayhi salam. غير شريعة موسى إلى آخر الشرائع. Et c'est différent de la législation de Moussa, ainsi que les autres législations. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى. Donc, comme cela a été mentionné dans le Sahih, donc un hadith qui est authentique, que le prophète Muhammad, donc qui est rapporté par Bukhari et Muslim dans leur Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes sont frères Yani, malgré qu'ils sont de mères différentes, d'accord? Ils sont frères, donc les prophètes sont frères, mais de mères différentes. Leur religion est une, mais leurs législations sont nombreuses, sont différentes. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام يعني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فلا يتصور من هذا أنه يعم ما كان عليه الأنبياء من قبل فالأنبياء ليس عندهم هذه الشريعة من جهة إقامة الصلاة على هذا النحو أو إيتاء الزكاة على هذا النحو أو صيام رمضان إلى آخر فهذا بقيوده مما اختصت به هذه الأمة. Et donc il dit, le Cheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, il dit donc lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc l'islam est bâti, c'est l'islam dont a été envoyé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas donc imaginer que c'est l'islam général sur lequel étaient les prophètes avant lui. Car les prophètes avant lui n'avaient pas donc cette législation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait concernant l'établissement de la prière dans de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait. Mais ils n'avaient pas également yani l'impôt rituel, donc l'acquittement de la zakat, d'accord, de la manière dont cela a été légiféré par Allah azza wa jalla dans l'islam qui est spécifique, dont a été envoyé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le jeûne du mois de Ramadan. Ce n'est pas comme cela a été légiféré dans les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette législation-là, des cinq piliers de l'islam, c'est ce dont cette communauté a été donc spécifiée. Donc c'est spécifique à cette communauté, donc c'est l'islam donc qui est spécifique. L'islam, on a vu l'islam général, l'islam spécifique, l'islam général, la religion de tous les prophètes et envoyés d'Allah ainsi que ceux qui les ont suivis. Donc ils avaient la même religion, la même croyance, le pur monothéisme, la soumission à Allah par le pur monothéisme, la sujétion et l'obéissance à Allah et le désaveu du polythéisme, de l'associationnisme et de ses adeptes. D'accord ? Et il y a donc l'islam qui est spécifique aux prophètes dont a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui est spécifique donc à cette communauté donc de l'islam. Comme on a vu donc dans le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc les prophètes sont frères, mais de mères différentes. Ils ont, leur religion est une, mais leur législation diffère. D'accord ? Et comme le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah a mentionné, donc la façon dont la prière est faite chez les musulmans, eh bien ce n'était pas de la même façon dont a été légiférée donc la prière chez les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de même pour l'acquittement de la zakat, yani le jeûne du mois de Ramadan, d'accord, etc. Donc ça c'était des fawaid donc de Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah. Et on voit maintenant inchallah donc les fawaid de Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah. هذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان اركان الاسلام الا ان هذا الحديث فيه زياده وهو قوله بني الاسلام على خمس. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Il dit ce hadith, eh bien c'est comme le hadith qui était précédent, c'est-à-dire le hadith qu'on avait vu, le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, concernant donc dans la clarification de ce que sont les piliers de l'islam. Excepté que ce hadith, il y a un ajout, le hadith le 3 là qu'on voit actuellement aujourd'hui là, il y a un ajout, et c'est donc ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, بني الإسلام على خمس. L'islam est bâti sur cinq. وفي حديث عمر قال اخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله. يعني إلى آخر الحديث. فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط، بينما هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام، وإنما بني الإسلام عليها، فهي مبانيه وأركانه، وإلا فالإسلام كثير، والأعمال الصالحة كلها من الإسلام، الواجبات والمستحبات وكل الطاعات وترك المعاصي، كل ذلك هو الإسلام. Donc il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, il dit. Donc il y a une différence ici entre le hadith précédent qu'on a vu, puisque dans le hadith précédent, donc dans ce hadith-ci, le hadith 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5. Tandis que dans le hadith précédent, le hadith 2, Jibril alayhi salam posait la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant informe-moi sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu l'islam, c'est que tu témoignes que nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité excepté Allah, et on est jusqu'à la fin du hadith. Donc, ce qui est apparent dans le hadith de Omar, c'est-à-dire le hadith 2, c'est que l'islam, eh bien, ce sont ces cinq piliers uniquement. D'accord ? L'islam, ce sont ces cinq piliers uniquement. Lorsqu'on lit le hadith 2, informe-moi sur l'islam, le prophète Hassan répond, l'islam, eh bien, il lui cite les cinq piliers de l'islam. Donc, ce qui est apparent dans le hadith, donc dans ce hadith 2, dans le hadith 2 qu'on avait déjà vu les explications, c'est que ça indique que l'islam, eh bien, c'est uniquement ces cinq piliers. Tandis que dans ce hadith 3, concernant les piliers de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Bouni al-islam ala khams », l'islam est bâti, a été bâti donc sur cinq piliers. Eh bien, cela prouve que ce n'est pas uniquement cela l'islam. D'accord ? L'islam a été bâti sur cinq piliers. Ça veut dire que ce n'est pas restreint à ces cinq piliers-là. D'accord ? Mais ce sont donc les piliers. Ce sont les fondations de l'islam, les piliers de l'islam. Mais l'islam, il y a énormément de choses dans l'islam. Les bonnes œuvres. Et toutes les bonnes œuvres, donc, font partie de l'islam. Il dit également, donc, toutes les bonnes œuvres font partie de l'islam. C'est-à-dire, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, toutes les obéissances, le fait de délaisser les désobéissances, tout cela, c'est l'islam. Et ensuite, le Cheikh Salah Al-Fawzan, il dit, « وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » Le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, le musulman est celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. فعد كف الأذى من الإسلام فالإسلام واسع ولكن هذه الخمسة هي دعائمه وهي أركانه وهي مبانيه التي بني عليها وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما الإسلام الحقيقي وأما بقية الأعمال إذا فقد شيئا منها فإنه يكون مسلما لكن يكون إسلامه ناقصا بحسب ما ترك منها. Donc il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, il dit que lorsqu'on lit le hadith qui est rapporté dans les deux sahih Bukhari et Muslim rahimahumullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc le musulman est celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. Eh bien, il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc considéré donc à travers donc ce hadith-là que le fait que d'épargner les musulmans de par la langue et de par la main, eh bien, cela fait partie de l'islam. Donc il dit l'islam est large. Mais ces cinq, il y en a ces cinq piliers qui sont mentionnés dans ce hadith 3, eh bien, c'est ceux qui renforcent l'islam, ce sont ces piliers de l'islam, ce sont ces fondations sur lesquelles l'islam est bâti. Et en perdant ces fondations, en perdant certaines de ces fondations, eh bien, l'individu n'est pas musulman avec le vrai islam. Tandis que le reste des œuvres, en dehors de ces cinq piliers, lorsque elles sont perdues, l'individu est musulman, mais avec un islam qui est moindre. Et cela en fonction du degré de ce qu'il a délaissé dans l'islam. En fonction du degré de ce qu'il a délaissé dans l'islam. Donc on va s'arrêter, Inch'Allah, aujourd'hui ici. D'accord ? Donc on a pu voir ces fawaïd de Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah et de Cheikh Salah al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala. Donc concernant le terme islam et les cinq piliers de l'islam, et l'islam est bâti sur, a été bâti donc sur ces cinq piliers. On continuera inchallah la semaine prochaine sur les explications de ce hadith 3. Jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.